est à la fois concepteur et bâtisseur? Qui a le nez dans la pensée et les mains dans le plâtre? Qui a le concept comme matière première et l'échafaudage comme travail? Le philosophe et l'architecte partagent la tâche. S'ils ont en commun le concept, leur construction ne se passe pas au même endroit. Cette semaine, sur les chemins de la philosophie, exploration d'un concept en béton. Tu ne peux pas habiter là toute seule, ma fille. Ton hôtel est luxueux, immense, c'est entendu. Mais malgré les efforts de Michael, c'est inhabitable, c'est même mortel. Rentre à la maison. Tu crois? C'est possible. Ou viens plutôt habiter ici. L'architecture, c'est pas la matière. L'architecture, c'est un art de transformer la planète. L'architecture, c'est un moment de la géométrie. C'est une conquête de l'espace, conquête mentale de l'espace. C'est en ce sens-là que je parle de géométrie. C'est pas au niveau de géométrie descriptive ou analytique. Architecturer, c'est vouloir habiter et vouloir habiter en poète. L'architecte, il crée un lieu dans lequel l'homme évolue. Construit pour une société tout entière et non pas pour quelques amateurs. On engage quelque chose qui va durer et en même temps, on est très seul, on n'est rien d'autre qu'un homme qui rêve. C'est comme un poème. Un architecte, c'est un poète tridimensionnel dans lequel on vit. Si l'architecture s'introduit dans une maison simple, elle en fait un palais. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Si mal, et c'est normal, c'est le progrès. Bonjour Michael Labbé. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes maître de conférences en esthétique et philosophie de l'art à la faculté de philosophie de l'Université de Strasbourg, l'auteur de plusieurs ouvrages, Philosophie de l'architecture, Forme, fonction et signification aux éditions Vrin, Reprendre place contre l'architecture du mépris aux éditions Payot. Vous avez rédigé une thèse sur Le Corbusier, un ouvrage sur Simone Veil. C'est avec vous que nous inaugurons cette semaine entre philosophie et architecture. Vous avez pu entendre tour à tour plusieurs voix, celle de l'essayiste Paul Virilio, celle de l'architecte Christian Portzamparc, Auguste Perret, Hans Walter Müller, et aussi peut-être l'aurez-vous reconnu, hein, qui a ouvert cette émission, la voix de Jean Marais dans Les Enfants Terribles de Cocteau, qui tous, à leur tour, essayaient de proposer une définition de l'architecture. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que la définition de l'architecture semble aussi vivante et peut-être difficile à cerner que celle de la philosophie, non? Absolument, on voit... Un premier point commun peut-être entre architecture et philosophie dans cette indéfinition, comme on a pu l'appeler ici, dans le fait au fond que ce sont deux activités extrêmement synthétiques, je dirais, et qui ont une variété définitionnelle tout à fait grande de par le champ au final des possibles humains qu'elle couvre: art d'habiter, conquête de l'espace, mise en forme d'une matière, incarnation d'une pensée, etc. Il y a là au final un lien fondamental entre ce que c'est qu'exister pour l'être humain, se rapporter au monde et à ses différentes dimensions, qu'elles soient celles de l'espace, du temps, de l'être ensemble, du rapport à soi, la dimension de confrontation à la beauté, la dimension qui est celle de la satisfaction de nos besoins, qui sont une totalité synthétique d'aspects à laquelle la philosophie est également confrontée. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette idée de Le Corbusier qui, reprenant une considération qui est inhérente à la réflexion sur l'architecture depuis Vitruve, définissait l'architecture comme culture générale. L'architecture, c'est la culture générale. Mais est-ce qu'on peut dire que pour le philosophe, l'architecture en premier lieu, le premier contact en dehors du contact empirique, puisque nous habitons tous dans des maisons, on y viendra, l'architecture, on ne peut pas échapper à l'architecture, en fait. C'est ça aussi notre premier contact avec l'architecture. Pour le philosophe, c'est d'abord une métaphore. Parce que les philosophes emploient la métaphore architecturale pour parler de la pensée. Absolument. C'est-à-dire, quand on regarde l'histoire de la philosophie et le traitement qui a été réservé par les philosophes à l'architecture, on peut être frappé par ce paradoxe. C'est-à-dire que c'est la forme d'art la plus omniprésente qui soit. Parce que on peut entendre par architecture, non seulement évidemment l'architecture au sens artistique, l'architecture des architectes, mais également l'ensemble de ces simples constructions, de cet habitat vernaculaire, cette architecture sans les architectes qui est en quelque sorte constitutive de l'humanité, de ses débuts ici. Donc une omniprésence absolument criante, mais une rareté relative dans les propos des philosophes en tant que ce serait un objet d'interrogation, je dirais avant tout empirique. Et comme vous le dites à très juste titre, quand on lit tous les écrits, tout ce qui a été produit théoriquement par les philosophes sur l'architecture, ce qui frappe, c'est au fond cette sorte d'affinité qu'il y a entre l'architecture comme métaphore, entre l'idée d'architecture et la production un peu réflexive d'une auto-compréhension de la philosophie par elle-même, quoi. Penser, ce serait en un sens construire, penserait, ce serait en un sens architecturer quelque chose, et c'est ça qui souvent les intéresse. Et donc l'architecture fait quelque chose à la philosophie depuis le départ, que ce soit le modèle de l'organisation de la cité chez Platon pour penser la juste harmonisation des parties de l'âme, que ce soit la métaphore du dieu architecte, en passant par des réflexions très tardives, je sais pas, de Wittgenstein, etc., etc. Il y a quelque chose comme une affinité. Et j'aime beaucoup cette remarque très cryptique de Wittgenstein qui affirmait que le travail en philosophie comme le travail en architecture était un travail sur soi, au fond. On va essayer de creuser cette comparaison entre les deux disciplines. Avant cela, de quoi parle-t-on quand on parle d'architecture ? Mettons-nous d'accord sur une définition provisoire, au moins ce matin, Michael Labbé. L'architecture, est-ce que c'est simplement la construction de l'habitat ? Ou est-ce que chaque conception d'espace est une forme d'architecture ? Est-ce qu'un objet peut être une forme d'architecture ? Comment est-ce qu'on peut provisoirement la définir ? Oui, là, c'est l'une des difficultés qu'on rencontre en philosophie de l'architecture, c'est-à-dire de s'entendre même sur voilà ce qui semble a priori évident et complètement donné, à savoir qu'est-ce que l'architecture. Et on voit bien qu'il y a, en gros, on va dire, deux sens majoritaires. Un sens assez restreint qui va définir par architecture les objets architecturaux, donc les édifices par exemple, les bâtiments, les types de constructions, etc. Et on exclurait par là le design ou l'urbanisme par exemple. Donc en ce sens-là, la Villa Savoie de Le Corbusier, c'est de l'architecture, mais pas l'aménagement de la ville de Poissy ou la chaise qui a été produite par Corbu dans cette villa elle-même. Mais émerge au cours de l'histoire, notamment au cours de l'histoire moderne, un sens beaucoup plus large, où, au fond, architecture désigne toute mise en forme de l'espace par un acte de conception en quelque sorte commun. Et là, au fond, l'architecture, c'est de la poignée de porte à la ville en passant par la maison. Donc, il y a deux sens, et il faut bien voir quand on lit les différents auteurs auxquels ils se réfèrent. Et en fait, je dirais que c'est pas des distinctions peut-être absolues, mais que selon ce qu'on veut éclairer, si on veut se focaliser sur la dimension d'objet de l'édifice, le distinguer, que sais-je, de simples constructions qui n'auraient pas de vocation artistique, on peut par exemple utiliser le sens restreint. Mais si on veut penser la formidable extension quotidienne, l'omniprésence de l'architecture, on peut se dire que il y a de l'architecture dans la poignée de porte, il y a de l'architecture. Si le terme d'architecture s'applique à toute mise en forme de l'espace, alors il est extrêmement vaste. Alors le poète est un architecte. Ouais. D'ailleurs, on l'avait entendu en début d'émission, parce que l'espace n'est pas forcément l'espace dont on peut faire l'expérience avec nos mains et nos pieds, mais c'est aussi un espace mental. Absolument, et c'est là qu'on voit peut-être l'une des légitimités de ce passage entre l'architecture comme objet concret et la métaphore ou l'idée d'architecture. C'est-à-dire que on voit bien que c'est pas une simple métaphore au sens d'une extrapolation, mais qu'il y a bien quelque chose comme un passage ou une continuité, parce que si on ne prend que la question de l'espace, mais c'est évidemment la question du temps aussi qui est ici en jeu, on voit que ça devient un outil pour penser, un rapport, quoi, toujours. Tout à fait. L'architecture s'offre à nous la première. C'est par elle que l'art débute, et cela en vertu de sa nature même. Elle est le commencement de l'art, parce que l'art, à son origine, ne trouvant pour la représentation de l'élément spirituel qu'il renferme, ni les matériaux convenables, ni la forme qui lui correspond, doit se borner à des essais, dont le but est d'atteindre à la véritable harmonie des deux termes, et se contenter d'un lien encore extérieur entre l'idée et le mode de représentation. Les matériaux de ce premier art sont fournis par la matière proprement dite, non animée par l'esprit, mais façonnée seulement d'après les lois de la pesanteur, par des lignes et les formes de la nature extérieure, disposées avec régularité et symétrie, de manière à former, par leur ensemble, une œuvre d'art qui offre un simple reflet de l'esprit. Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et on parle d'architecture cette semaine, des relations entre architecture et philosophie, ce matin en compagnie du philosophe Michael Labbé, à qui l'on doit plusieurs ouvrages sur l'architecture et à qui revient l'honneur de commenter ce texte de Hegel que je viens de lire. C'est un extrait du cours d'esthétique. Hegel, dans son cours d'esthétique, propose une hiérarchie entre les arts. Et s'il dit que l'architecture s'offre à nous la première, eh bien il explique juste après, c'est par elle que l'art débute. C'est le degré zéro de la forme artistique. Pourquoi un tel mépris? Est-ce que le terme s'applique à la façon qu'a Hegel de considérer l'architecture? En tout cas, il ne semble pas la tenir en haute estime. Oui, je pense que le traitement que réserve Hegel à l'architecture est tout à fait symptomatique d'un type de traitement philosophique de cet objet-là. Mais je commencerai peut-être par dire qu'il est tout de même l'un des premiers à consacrer tant de pages à l'architecture, avec une information historique et technique absolument admirable. Et on sent, en dépit de ce premier degré ou de ce plus bas degré de l'incarnation, de l'idée qui s'opère dans l'architecture, un formidable amour. Et c'est, ah oui, un amour. Oui, c'est vraiment un modèle, même en négatif ou en creux, il peut passer des pages entières à distinguer le concept de poutre de celui de colonne, distinguer eux-mêmes de ceux de poteau, etc. Donc il pense vraiment à même et avec l'architecture, en considérant des dimensions techniques, historiques, dont à propos desquels il a des informations de première main et d'une manière quasiment inédite. Alors pourquoi, lorsqu'il la compare aux autres arts, tient-elle la place la plus basse, ouais, enfin dans l'échelle? Absolument, il n'en reste pas moins, et au fond dans son esprit ce n'était peut-être pas contradictoire ici, que l'architecture tient cette place première, c'est-à-dire dernière dans la hiérarchie. Parce que au fond, on a là, mais c'est un type de pensée qu'il partage peut-être avec d'autres théoriciens qui cherchent à penser l'art dans un système hiérarchisé des arts, à penser l'art comme un certain type d'objet qui est marqué par un certain idéal normatif. L'art véritable, c'est celui qui permet entièrement d'unir la forme et le contenu, sachant que ce contenu, c'est une idée entièrement spirituelle. Là, l'architecture apparaît comme lourdement matérielle. Comme le disait Schopenhauer également, l'architecture ne peut pas faire grand-chose d'autre que de mettre en avant les idées de résistance et de pesanteur. Bah, précisons que le texte de Hegel est écrit au milieu du 19e siècle, et c'est peu de temps après l'invention de ce qu'on appelle l'esthétique, qui est la science du beau et qui identifie l'art au beau. Or, le problème de l'architecture, c'est que c'est pas simplement beau, c'est aussi utile. Absolument. Et c'est empêtré dans la matière, oui. Ce qui pose un problème. Tout à fait, donc on a cette percée esthétique que Hegel, pour une part, va refermer aussi en redonnant tous ses titres de noblesse à une philosophie du bel art, mais qui construit au fond son concept d'art comme un objet esthétique qui est foncièrement inadapté à l'œuvre architecturale. C'est-à-dire que si on considère aussi que est beau ou fait partie de la catégorie art, ce qui est une pure forme destinée à être contemplée, qui est désintéressée, qui est non utilitaire, etc. Là aussi, on exclut par principe la compréhension singulière et authentique de l'architecture, qui est pas simplement un mixte entre la beauté et l'utile, mais qui est un art qu'on pourrait qualifier d'essentiellement fonctionnel. Ça fait partie de l'essence même de l'architecture que d'avoir une nature utilitaire, de répondre à des besoins, d'être une discipline technico-scientifique. Et au fond, dès lors que l'on approche le phénomène architectural de manière quelque peu dualiste, en séparant beauté et utilité, voire en considérant que tout ce qui rattache l'architecture à l'utile est autant d'un champ grignoté sur la capacité de faire œuvre de beauté, on se prive de moyens de la comprendre. Hegel le voyait bien, il le dit à un moment à propos de l'architecture classique, son caractère, c'est d'unir la beauté à l'utilité. Donc il le voit bien ici. C'est une bonne définition de l'architecture. C'est très très ouais, tout à fait pertinent. Il y a toute une belle réflexion sur l'usage aussi chez Hegel dans les réflexions sur l'architecture gothique. Mais c'est vrai que au fond, il s'agit de saisir en quoi il y a là une esthétique peut-être spécifique qui fait qu'un objet d'architecture est d'autant plus beau qu'il est utile, d'autant plus utile qu'il est beau, d'un genre de beauté tout à fait spécifique. Et on ne peut pas s'intéresser à une œuvre d'architecture comme si c'était un art visuel. Faut-il y voir l'héritage de la pensée de Platon qui distingue la pensée du corps, l'esprit de la matière et qui tient la seconde comme étant quelque chose de dégradé en fait, comme si le corps était le tombeau de l'âme et que la philosophie était tout entière du côté de l'esprit et devait se défaire de la pesanteur de la matière? Oui, il y a tout à fait une idée de la matière comme évidemment quelque chose qui est résistant, qui est pesant, qui est réfractaire. C'est un obstacle à la pensée. Absolument, tout à fait. Là où au contraire, ça perce au final dans beaucoup des analyses hegeliennes, mais sans que ça vienne peut-être pleinement au jour, on peut voir dans cette matérialité foncière de l'architecture une incroyable richesse au fond. Comme le dit le philosophe John Dewey, c'est un art qui est immédiatement en lien avec la structure même de la nature, les poussées, les tensions, l'équilibre, cette pesanteur, etc. Et c'est un art qui, dit Dewey également, a une richesse en termes de matériaux qui est quasiment incomparable. Les briques, la pierre, le béton, l'acier, le verre, si on est simplement au niveau des matériaux, l'architecte a un vocabulaire certes parfois qu'on pourrait voir comme réfractaire, mais qui est d'une richesse expressive assez incroyable. Depuis fort longtemps, je me penche sur ces problèmes de la production en série du logement pour répondre à des besoins croissants de l'humanité. Je peux dire que je ne suis peut-être pas un apôtre de la préfabrication à tout prix, car je crains que l'on confond aujourd'hui souvent le but et le moyen. Le but étant toujours celui de satisfaire à des besoins humains, aux besoins de l'homme. Or, aujourd'hui, souvent, on semble l'oublier et on sacrifie les besoins essentiels de l'homme et de la famille pour ce Dieu nouveau qu'est la technique. 100 ans plus tard, 100 ans après Hegel, en 1955, Pierre Vagot, que vous venez d'entendre ici, l'architecte français Pierre Vagot, reprend finalement les enjeux distingués par Hegel, ce conflit entre le beau et l'utile, le but et le moyen, c'est ainsi qu'il le formule, s'inscrivant par là dans ce qui s'appelle le fonctionnalisme. Est-ce que l'architecture devrait se réduire à sa fonction? Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre cette position, Michael Labbé, le fonctionnalisme? Oui, le fonctionnalisme, c'est un type d'option ou de pensée de l'architecture qui naît à proprement parler, on va dire, à la toute fin du 19e siècle ou au début du 20e, qui avait déjà des antécédents dans ce qu'on peut appeler le rationalisme architectural, c'est-à-dire l'idée au fond que la dimension structurelle, technique, programmatique de l'architecture a appartient à sa nature essentielle et a une implication tout à fait forte sur la génération des formes. Donc qu'en un sens, les formes dépendent toujours en un sens des fonctions entendues au sens large ici. Ce qu'on appelle fonctionnalisme, qui est énormément décrié à plein d'égards, et c'est un ensemble de thèses, de théories qui est au final extrêmement vaste et extrêmement varié. On pourrait dire que leur point commun, c'est là où on a souvent fait une distinction entre l'architecte comme quelqu'un qui produirait la beauté plastique, qui s'occuperait de la forme, de la décoration des façades, et d'autre part de l'ingénieur qui lui aurait à prendre en charge le dur en quelque sorte des questions matérielles et structurelles. Le fonctionnalisme insiste, comme on le disait, sur cette nature essentiellement utilitaire ou fonctionnelle de l'architecture. Après se pose toute une question, celle du lien entre cet ancrage dans le besoin, sa satisfaction, les usages, les structures, les matériaux, et la dimension artistique, formelle ou plastique. Le fonctionnalisme a tendance à dire que, quoi qu'il en soit en architecture, la forme a ce rapport essentiel à la fonction, si bien qu'on ne peut pas traiter la forme uniquement pour elle-même, ou encore dans des versions un peu plus dures ou radicales du fonctionnalisme, que la forme pourrait découler quasiment de l'analyse utilitaire ou fonctionnelle. En réalité, tout cela est extrêmement complexe, parce que d'une part, qu'est-ce que c'est qu'une fonction ? Là aussi, est-ce que c'est simplement une satisfaction de besoins corporels, quelque chose d'uniquement matériel ? Est-ce que la fonction d'une œuvre d'architecture, c'est pas également de satisfaire le besoin spirituel de beauté ? On peut élargir le concept de fonction ici. Et d'autre part, selon cette formule qui est devenue un peu le slogan du fonctionnalisme et qui a été formulé par Louis Sullivan, « Form follows function », la forme suit la fonction, eh bien cette idée de suivre est là aussi extrêmement complexe, parce que dans l'esprit de Sullivan, ça voulait certainement pas dire qu'elle en découle mécaniquement, que résoudre les questions fonctionnelles entraînerait automatiquement la production d'un certain genre de forme. Les fonctions n'engendrent jamais des formes. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion d'affiner un peu l'opposition schématique qu'on a esquissée, hein, entre d'un côté la forme et de l'autre la fonction, ou d'un côté le beau et de l'autre l'utile, puisque finalement, sans aller jusqu'à une réflexion artistique au sein de l'architecture, toute production de forme émane d'une conception mentale préalable. Sans aller vers le geste artistique, on a de toute façon, ce n'est jamais neutre. Même un bâtiment purement fonctionnel pourrait être autrement, il est toujours le résultat d'une pensée, d'une fabrication conceptuelle. Absolument, là on a ce sur quoi notamment quelqu'un comme Le Corbusier insistait beaucoup, à savoir que l'architecture est chose de l'esprit. C'est-à-dire que elle relève en tout cas ici d'une certaine intention de pensée, d'un ensemble de choix délibérés faits par l'esprit de son concepteur, qu'il soit un architecte qui en pleine conscience prenne ses décisions de mettre l'escalier à tel endroit, de choisir tel type de béton plutôt qu'un autre, etc., etc., ou bien que ce soit un esprit plus collectif, etc., l'interaction sociale d'un groupe dans l'architecture vernaculaire ici. Donc absolument, ce qu'on appelle fonction d'une part va de toute façon prendre une forme visible, donc aura nécessairement un effet esthétique, et je pense que ça c'est très important de le marquer, contrairement à peut-être cette cristallisation à un moment donné du fonctionnalisme comme une sorte d'idéologie qui nous fait croire que l'architecture serait simplement une discipline scientifique qui répondrait à des problèmes techniques sans prise de parti idéologique ou sans préférence normative. Aucun choix architectural ou aucun choix d'aménagement n'est neutre. Il véhicule toujours un certain modèle social et spatial. C'est exactement ce que formule Le Corbusier lui-même. Bien, monsieur Le Corbusier, pouvez-vous nous dire, d'abord, donner à nos auditeurs une définition très précise de l'urbanisme ? L'urbanisme est la science par laquelle les hommes sont mis dans les conditions de vie les plus favorables, physiques et sensibles. L'urbanisme est la science qui reflète fidèlement le comportement d'une société, ses actes quotidiens, ses actes exceptionnels, ses pensées, ses élans. L'urbanisme est un miroir des puissances techniques mises à disposition et à contribution. réglant la vie des sociétés, il ne saurait se priver de la moindre ressource de puissance. Enfin, l'urbanisme doit assurer le respect sacré de la liberté individuelle, sachant pour cela imposer les disciplines nécessaires. Vous écoutez Le Corbusier sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons d'architecture cette semaine. Et cette archive du 9 juillet 1953 permet de prolonger la réflexion Michaël Labbé en l'élargissant à l'urbanisme. Peut-être là, on peut distinguer effectivement la différence d'enjeu entre l'architecture et l'urbanisme. Mais pour Le Corbusier, visiblement, les deux sont ressaisis par cette même importance de devoir respecter les libertés individuelles et de savoir quelle place on accorde à l'idéologie dans la construction, puisque idéologie, il y a à chaque fois, en fait, c'est ce qu'on était en train d'essayer de dire. Oui, tout à fait. Dans le cas de Le Corbusier, c'est extrêmement complexe et pour une part extrêmement difficile à saisir parce qu'il semble y avoir parfois une sorte, en dépit du fait qu'il admette la totale continuité entre architecture et urbanisme, c'est au fond le même type d'acte. Il n'y a pas de différence. Lui. Aucune différence théorique. Donc là, on a aussi ce sens très élargi de l'architecture dont on parlait auparavant. À regarder ses productions, il y a une sorte de quasiment de schizophrénie ou de schise entre le niveau de l'architecture et le niveau de l'urbanisme chez lui à différents moments. C'est-à-dire entre, bah, entre je sais pas la chapelle de Ronchamp et ouais. Des plans d'urbanisme tels qu'il les a mis en avant, et on verrait que là oui le fonctionnalisme par exemple peut là aussi avoir deux sens. Le fonctionnalisme peut désigner une sorte de théorie architecturale et théorie esthétique du lien entre forme et fonction. Donc, dans ce sens-là, Le Corbusier n'est pas fonctionnaliste. Il a toujours affirmé que l'architecture comme art se distinguait de la construction. La grande formule, c'est l'architecture, c'est fait pour émouvoir, la construction, c'est fait pour faire tenir. Et donc, que l'ingénieur ou l'architecte n'était pas, pardon, l'ingénieur ou le constructeur n'était pas encore architecte. Il fallait une sorte de génie, de tact dans la mise en rapport, etc. Là où en urbanisme, il est totalement fonctionnaliste, si on entend par là l'organisation rationnelle des espaces, le zonage, enfin tout ce qu'on peut connaître de ce point de vue-là. Alors, sur la question politique, là aussi c'est extrêmement complexe dans le cas de Le Corbusier, mais c'est toujours le cas en quelque sorte paradigmatique de l'architecture moderne. Lui se donne comme apolitique. Il le dit clairement, je fais pas de politique, je fais des plans. Moi, je fais des plans. Donc voilà, la politisme n'existant pas, on peut être tout à fait dubitatif quant à ces prétentions-là. Et en même temps, on voit bien, voilà, qu'il y a un ensemble de préférences normatives cachées qui se mettent à jour. Le fait de, je sais pas, dans les aménagements urbains, de penser le collectif sur le modèle avant tout hygiéniste des installations sportives, de donner accès à l'air, à l'espace, au soleil, etc., ce qui peut être absolument magnifique, mais pas au bistrot, par exemple. Donc ça se joue dans des micro-détails, cette politique de l'architecture. Pensons à la Cité Radieuse, par exemple, de Marseille, absolument, que les auditeurs connaissent sans doute, qui a été construite autour des années 50, justement, entre 47 et 1952, qui propose une sorte d'unité d'habitation qui, pour Le Corbusier, avait quelque chose d'assez révolutionnaire. Il voulait montrer un nouvel art de bâtir qui transforme le mode d'habitat, dit-il. Et là, il y a vraiment une conception de l'habitation qui s'exprime dans le bâtiment. Absolument. Et là, là aussi, ça s'inscrit dans une très longue histoire. Et c'est peut-être l'un des points aussi d'articulation entre architecture et philosophie qui est extrêmement intéressant et dont l'unité d'habitation est un exemple. À savoir qu'au fond, si on y réfléchit, toutes les alternatives sociales, toutes les manières d'essayer de construire un autre homme, une autre manière d'habiter ensemble, etc., toutes les tentatives quelque peu utopiques, sont toujours ancrés dans la formulation de nouveaux espaces. Il n'y a pas de réforme sociale sans réforme spatiale. Et c'est clair que le projet de Le Corbusier, c'était pas du tout de construire des belles formes, c'était pas du tout d'inventer uniquement, on va dire, de nouvelles solutions techniques. Il le dit lui-même, c'est de transformer la culture. C'est d'incarner la modernité dans la culture de son temps. Et cette manière d'habiter ici dans la Cité Radieuse qui renvoie aussi bien aux phalanstères fourriéristes. Peut-être décrivez-la rapidement, cette Cité Radieuse. Oui, donc on a une sorte d'énorme bloc sur des pilotis extrêmement expressifs, extrêmement brutalistes. Donc c'était là aussi partie du langage architectural de Le Corbusier. Au sommet, nous avons un toit-terrasse qui permet de regagner de l'espace et de se mettre en contact avec le site absolument merveilleux qui est celui dans lequel il prend place, avec la mer d'un côté, les montagnes de l'autre, une crèche sur le toit, une sorte de petit auditorium, etc. Et si vous voulez, à l'intérieur, selon un modèle structurel assez intéressant qui était celui d'un outil pour ranger des bouteilles, vous voyez, je sais plus exactement comment on pourrait appeler ça. Vous dire comme dans les caves à vin. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Des unités de logement assez standardisées selon la taille des familles. Un couple de deux personnes, couple avec un enfant, couple avec deux enfants, etc. qui étaient en quelque sorte insérés dans la structure elle-même, avec au milieu une rue traversante qui devait permettre aux habitants, en toute autonomie, mais une autonomie évidemment problématique, d'accéder à un certain nombre de services, une épicerie, un hôtel, si de la famille rendre visite aux habitants, etc., etc. Donc il y avait un peu ce modèle du paquebot, quoi, qui était. Vous en parlez au passé, mais elle existe encore. Elle existe encore. Et est-ce qu'elle fonctionne de la même façon encore aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a certains habitants historiques qui y habitent toujours, parce que au fond, voilà, ça c'est un peu le drame des prétentions modernes qui voulaient incarner ce magnifique mot d'ordre, une maison, un palais, c'est-à-dire que peu importe qui l'on est, la qualité architecturale vous est destinée. Donc c'est des logements au départ destinés, comme le dit Le Corbusier, à l'homme tout venant. Aujourd'hui, c'est devenu plus un signe de distinction bobo dans lequel florissent les cabinets d'architecture, etc., etc. Mais il y a toujours une vie sociale, ça fonctionne toujours, et c'est d'ailleurs assez émouvant de voir comment ce lieu extrêmement singulier est encore investi. Mais une chose très intéressante, c'est que on entendait à plusieurs reprises le mot de standardisation. Ici, l'unité d'habitation devait servir de modèle. D'ailleurs, il y a 5 unités d'habitation disséminées à différents endroits ici. Mais ce qui montre bien le caractère très artiste de Le Corbusier, c'est qu'aucune n'atteint cette sorte de perfection unique de la cité radieuse de Marseille. Même si c'est les mêmes principes, même si ça se voulait être un modèle généralisable, là aussi on a ce hiatus entre architecture et urbanisme, au fond. On a une pièce qui dont aucune autre n'atteint la qualité. C'est standard, mais c'est unique. C'est ça qui est. Le Corbusier est vraiment un génie de cette variation dans l'un, quoi. On varie autour du principe, quoi. L'architecture est l'art d'organiser l'espace. C'est par la construction qu'il s'exprime. L'architecture s'empare de l'espace, le limite, le clos, l'enferme. Elle a ce privilège de créer des lieux magiques, tout entier œuvre de l'esprit. L'architecte est le constructeur qui satisfait le passager par le permanent. Il est celui qui, par la grâce d'un complexe de science et d'intuition, conçoit un portique, un vaisseau, une nef, un abri souverain capable de recevoir, dans son unité, la diversité des organes nécessaires à la fonction. L'architecture est de toutes les expressions de l'art, celle qui est le plus soumise aux conditions matérielles. Permanentes sont les conditions qu'il impose la nature, passagères celles qu'impose l'homme. Le climat, ses intempéries, les matériaux, leurs propriétés, la stabilité, ses lois, l'optique, ses déformations, le sens éternel et universel des lignes et des formes imposent des conditions qui sont permanentes. L'architecte est un poète qui pense et parle en construction. Technique, permanent hommage rendu à la nature, essentiel aliment de l'imagination, authentique source d'inspiration, prière de toute la plus efficace, langue maternelle de tout créateur, technique parlée en poète nous conduit en architecture. Chemin de la philosophie, Adèle Van Rett. De qui est le texte que je viens de lire, Michael Labbé, sur ces notes de Steve Reich? Auguste Perret. Auguste Perret. Qui est Auguste Perret? Auguste Perret est un des très très grands architectes de la fin du 19e, du début du 20e, d'ailleurs l'un des grands maîtres de Le Corbusier. Et Auguste Perret est l'un des architectes vraiment précurseurs, ou en tout cas qui incarne le plus fortement les débuts de la modernité architecturale, puisqu'il est connu avec son frère comme étant les maîtres du béton, au fond. Ceux qui ont, pour la première fois, donné une pleine expressivité à ce matériau qui est synonyme même de modernité, mais qui, au fond, dans un contexte d'une architecture qui était au début du XXe encore très académique, très fondée sur la répétition des formes du passé, etc., a permis cette pleine maîtrise technique et expressive de ce symbole du moderne qui est le béton, quoi. Et ressaisi dans un élan poétique, c'est le terme qui revient beaucoup. Le texte que j'ai lu est en fait une sorte de succession d'aphorismes dont la portée poétique est pleinement assumée par l'architecte. Et c'est amusant de voir la rencontre entre le béton qu'on tient pour le matériau le plus brut et le plus primaire qui soit, avec la poésie qui est au contraire le travail de l'esprit le plus raffiné. Absolument, là on a aussi cette sorte de grand écart qui fait l'être singulier de l'architecture, c'est-à-dire que même voilà cet architecte du béton le plus frustre ou le plus lourdement matériel tel qu'on pourrait le penser, et en même temps un poète. Ce texte est absolument magnifique. Perret était en rapport avec Valéry, enfin on voit que ce qu'il appelle le constructeur ici a des relents ou des échos avec ce que pense Valéry dans le Palinos ou l'architecte dans ici. Et donc on voit bien, oui, comment au fond là, on a cet acte de penser, ce faire architectural qui est une manière de ployer le matériau, d'y faire passer son intention. Et au fond le béton, qui est un matériau peu cher, peu noble en apparence, et en même temps le matériau qui est le plus souple, le plus plastique, et qui peut permettre à la fois une très grande satisfaction économique, une manière de construire très rapidement, à peu de frais, etc. Et en même temps, qui est devenu un art ou un langage expressif poétique à part entière. Et Perret est pour moi l'auteur de ma définition de l'architecture préférée. Il avait cette phrase toute simple, à savoir: l'architecture, c'est l'art de faire chanter le point d'appui. Et elle est absolument magnifique, cette définition, parce qu'au fond, on voit bien ce caractère synthétique qui est celui de l'architecture, et ce caractère non dualiste. Il faut un point d'appui. Il faut que ça tienne à ce moment-là. On met un poteau. Mais en même temps, on va se servir de ce geste technique pour, par le choix de la forme, de la courbure, de la texture singulière du matériau, faire du point d'appui lui-même un point d'expression. On va solutionner en même temps un problème structurel et un problème esthétique, qui est un problème réel évidemment pour l'architecte. Par ce poteau, par exemple, on va également disposer un espace. On peut marcher aux alentours, on peut passer, etc. Donc on peut pas séparer ni le spatial, ni le structurel, ni l'expressif. Le grand architecte, c'est celui qui, du même geste, solutionne une question liée à l'utile, une question liée au beau, une question liée aux usages, etc. Et oui, il y a des images, parfois c'est là qu'il y a les images les plus émouvantes de l'architecture. J'aime beaucoup une photo d'un orphelinat qui a été fait par un architecte néerlandais qui s'appelle Aldo van Eyck, et au fond où on voit un très mince poteau de béton supporter la façade du bâtiment. Donc choix esthétique d'une grande minceur, d'une légèreté, cette sorte de contraste entre la lourdeur du volume bâti et la finesse du poteau. Et en même temps, il a fait cette chose modeste, de rien du tout, qui est de tracer un cercle autour du poteau. Et sur cette photo, on voit un enfant qui court autour du cercle. Et là, je trouve qu'il y a toute la magie de l'architecture, quoi. Art de faire chanter le point d'appui. Et pour, justement, avec cette magnifique formule, on peut répondre à la question que je vous posais en début d'émission sur le lien entre architecture et philosophie. En fait, ce que vous dites de l'architecte relègue le philosophe du côté de l'abstraction, en réalité. L'architecte permet, réalise ce que peut-être le philosophe peine à faire, parce que le philosophe, par essence, n'est pas aussi ancré dans la matière que l'est l'architecte. Oui, là, on pourrait y voir cette sorte de dichotomie-là, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un autre type de pouvoir ou de puissance de l'architecture et en même temps un autre type de responsabilité. C'est-à-dire que face à ce petit enfant ou ce petit gamin qui a à faire usage du lieu, l'architecte est responsable de ce qu'il va pouvoir courir, mener une existence joyeuse dans la quotidienneté la plus ordinaire, ou au contraire, il va produire un ennui, une forme de désespérance. Donc évidemment, cet ancrage-là est absolument essentiel. Et c'est tout l'art de l'architecte, et Paul Valéry faisait cette distinction. Il y a certains édifices qui sont muets, d'autres parlent, et il y en a d'autres qui chantent. Et au fond, ça ne dépend pas ni de la destination ou de la noblesse des matériaux, ça c'est aussi une idée très importante, que la qualité architecturale est indépendante de la richesse des matériaux ou du type de programme. C'est pas parce qu'on fait une église somptueuse ou un palais que ce sera plus réussi qu'une modeste cabane. Il y a qu'à voir l'inventivité géniale dans les favelas, par exemple. Enfin, c'est quand même, en dépit de la misère et de la difficulté, ce sont des productions absolument merveilleuses. Comme disait très bien Le Corbusier, le grand art vit de moyens pauvres. Donc on a une architecture pauvre, mineure, etc. Mais ça dépend, encore une fois, de ce geste de pensée, de cette qualité de l'intention, cette mise en rapport ingénieuse qui est cette pensée architecturale, cette pensée en architecture, ici, qui est à la fois grande puissance et grande responsabilité, quoi, dont, évidemment, on pourrait penser que le philosophe est... en tout cas, on relève à d'autres niveaux, quoi. Là, on a un banc public au départ qui était sans dispositif anti-SDF. Et là, on voit effectivement des barres d'acier qui ont été rajoutées pour empêcher qu'une personne puisse s'allonger, dormir, se reposer. Interrogée, la mairie, pour sa part, se défend de toute politique anti-SDF. Il y a effectivement à Nice des bancs avec des accoudoirs, mais c'est pas forcément pour que les SDS ne puissent pas s'y mettre. La population de la ville de Nice est âgée, elle peut être demandeur de ce genre de solution. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que l'espace public doit être partagé par tous et il ne doit pas être privatisé par une certaine catégorie de la population. Reprendre place contre l'architecture du mépris, c'est le titre de votre livre, Michel Labbé, qu'on trouve aux éditions Payot. Vous parlez de la responsabilité de l'architecte qui... tel Dieu d'ailleurs, c'est ce que j'entendais dans vos propos, un peu décidé en fait de la modalité d'existence de la personne qui va vivre à tel ou tel endroit. La politique qui est mise en œuvre par beaucoup de villes, ici dans l'extrait qu'on a entendu c'était Nice, mais on le trouve dans d'autres villes aussi, qui consiste à faire en sorte que les personnes qui n'ont pas de logement ne puissent pas dormir dans la rue, les bancs anti-SDF, hein, c'est quelque chose qui est apparu il y a quelques années. Vous parlez-vous dans votre livre du Camden Bench, et donc c'est exactement ça, ces bancs qui sont faits pour ne pas pouvoir recevoir un corps allongé. Avec ceci, on prend conscience non seulement de la responsabilité de l'architecte, mais de l'idéologie qui est toujours sous-jacente dans la construction de quoi que ce soit d'ailleurs, dès lors que c'est au sein de la ville. Absolument. Cette chose en apparence anodine, insignifiante, un banc, rien qu'un banc, etc. Eh bien, elle est toute chargée d'un certain modèle social qui est un modèle de mépris, d'hostilité, où on crée un antagonisme entre eux, les indésirables, et nous, d'une manière extrêmement perverse, puisqu'on cherche à cacher à ceux qui n'en ont pas l'usage la véritable destination de cela. Et donc là encore, aucun aménagement n'est neutre. Chaque décision, si infime soit-elle, de placer ce type de mobilier anti-SDF qu'on voit depuis quelques années fleurir absolument partout, a des incidences énormes sur notre manière de pouvoir être ensemble ou non, sur le nous, au fond, que nous formons ou pas. Et évidemment, là encore, rien n'est neutre. Rien n'est neutre alors que ça paraît extrêmement, extrêmement insignifiant, tout à fait. Mais après, on pourrait se dire que c'est aussi, puisque justement il y a une forme il y a toujours une intention derrière, que la volonté de faire en sorte que les SDF ne soient plus allongés sur les bancs pourrait avoir, dans le meilleur des mondes, pour corollaire, l'aménagement d'endroits pour accueillir ces SDF en dehors que dans la rue, en dehors de la rue. Voyez ce que je veux dire? Oui, malheureusement, ce qu'on constate quand on étudie le phénomène, c'est que c'est d'autant plus pervers qu'il n'y a aucune réelle volonté d'apporter une solution au problème. Si on avait une politique sociale et urbaine ambitieuse qui cherchait à prendre en charge la question de la précarité des gens à la rue, etc., pourquoi pas, à la limite, et même, ça semble même pas acceptable dans ce raisonnement-là, installer des bancs anti-SDF. Mais là, il s'agit que d'invisibiliser, de repousser plus loin des gens qui sont avant tout victimes de la précarité, qui sont en souffrance sociale. Et donc là où on pourrait penser non pas à une architecture défensive, hostile, comme les concepteurs de ce type de mobilier qualifient eux-mêmes leur production, mais une architecture de l'égard, une architecture bienveillante, une architecture offensive socialement, on a là quelque chose d'absolument scandaleux, d'absolument intenable, et je n'arrive pas rationnellement à comprendre comment on peut évidemment on peut en reconstruire la logique, mais comment est-ce qu'on peut tolérer ces types d'aménagements chargés du plus grand mépris à l'égard de populations déjà tout à fait vulnérables. Mais ces bancs ne sont-ils pas à l'image d'une forme d'architecture d'exclusion qui est déjà à l'œuvre dans l'aménagement des villes, où les pauvres, enfin en tout cas pendant une longue période, les gens les moins favorisés étaient relégués à la périphérie de la ville. Enfin, cette architecture de l'exclusion, elle existe de toute façon. Absolument, c'est-à-dire que évidemment, de manière telle plus insidieuse, le banc est très visible, donc c'est facile de le remarquer. Mais il y a tout un justement un projet urbaniste qui peut relayer ce même type de positionnement. Absolument, c'est-à-dire que évidemment, c'est pas une totale nouveauté que dès les débuts de la grande ville, on a vu cette ambivalence entre une ville potentiellement terrain d'aventure, de réinvention de soi, et d'autre part lieu d'aliénation le plus terrifiant. Mais au fond, dans les villes qui sont les nôtres, les villes néolibérales, qui sont devenues des marchandises ou des produits, peut-être la nouveauté, c'est que comme il y a une obsession pour l'image, et que au fond le principal vecteur de valorisation de la ville comme marchandise touristique, immobilière, etc., c'est son image. Il y a ces stratégies qui agissent sur la formation d'identité, sur l'estime de soi, sur le sentiment de soi, parce que pour des raisons d'image, on peut pas ouvertement, délibérément mener, je sais pas, une politique économiquement ségrégationniste, retirer des droits, etc. Avec le banc, il y a pas de policiers, il y a une violence qui est soft parce qu'elle se fait sans les dehors de la violence. Il n'y a pas de loi injuste qui semble voter, quoique évidemment tout cela peut coexister, mais on repousse en agissant au mépris, quoi. C'est-à-dire la forme même du banc fait sentir et ne s'y trompe pas à celui qui pourrait en avoir l'usage, qui ne peut pas s'y allonger, le jeune qui ne peut pas skater faire un graffiti dessus, etc., qu'il est assimilé à qu'il est un individu qui est indésirable parce qu'il est considéré comme étant un paquet de comportements suspects. Mmh. Peu importe qui il est, peu importe son histoire, peu importe sa singularité, peu importe ce qu'il pourrait apporter positivement à la société, il est génériquement considéré comme eux ou vous, des indésirables, des gens qui donc produisent la nuisance, peuvent dégrader, etc., etc. Mais tout cela avec ce simple banc. Et comme le disait très bien un SDF dans une interview que j'avais lue, contre un banc, il n'y a pas de recours. Avec un policier, je peux discuter. On ne fait pas un procès à un banc. Voilà. Faire à la ville. Je pense que là, c'est évidemment l'une des modalités de la production de l'espace aujourd'hui, que cette architecture du mépris, qui est une nouvelle forme de négativité dans les villes, qu'on utilise de plus en plus, parce qu'au fond, l'image étant devenue le vecteur principal, on ne peut pas ouvertement la dégrader par... Mais plus que de mépris, il s'agit d'exclusion ici, non ? Absolument. Oui, oui. Ce sont des pathologies. L'architecture peut aussi exclure. Est-ce que vous avez d'autres formes de bâtiments ou d'objets qui produisent le même effet d'exclusion ? Est-ce que vous en avez en tête ? Oui. Enfin, si vous voulez, j'essaie de définir ce qu'on pourrait appeler des pathologies urbaines du social. C'est-à-dire, au fond, des pathologies qui agissent sur la non-reconnaissance ou sur le mépris, mais en tant qu'elles ont leur forme dans et par la ville. Et cette architecture du mépris, elle peut aller du microscopique ou du niveau infra du banc anti-SDF jusqu'à des formes qui sont des formes